Salut Blockbuster, c'est Mathieu de Rosay. Frédéric, tout d'abord, merci à toi et tes équipes. Je suis déjà un grand fan de l'émission, mais là, hier, Predator, le cadeau. Quand j'étais petit, avec ma sœur, qui avait 7 ans de plus, et ben un soir, elle avait organisé une soirée avec tous ses potes pour regarder Predator. Et mes parents, qui n'y connaissent absolument rien au cinéma, avaient refusé que je regarde ce film parce qu'il s'appelait Predator et que ça devait sans doute faire peur. Et ben, j'en veux à mes parents pour beaucoup de choses, mais sur ce coup-là, ouais, je pense qu'ils avaient raison, j'étais vraiment trop petit. Depuis, je l'ai regardé et franchement, c'est vraiment trop cool. Bill Duke qui se rase dans la jungle, a même la peau nue et qui casse son rasoir et qui saigne. Pff, mortel. Bonjour, au sujet du rapprochement de Pierre Richard avec Schwarzenegger, en fait, Richard Fleischer était d'accord avec Frédéric. Il en a changé le script de Conan le Destructeur après être devenu ami de Schwarzenegger parce qu'il avait découvert et admiré son excellent sens du timing comique et de son humour. Donc ce rapprochement n'est pas complètement fou. Richard Fleischer était d'accord avec Frédéric Sigrist. Hier soir, tu es passé très rapidement sur l'aspect cross-média du Predator et particulièrement sur son impact sur les comics. Dans les comics, on a eu avec le Predator des crossovers incroyables avec Batman, Superman, Judge Dredd, Terminator, Alien évidemment. Et je pense que c'est en grande partie ce qui a fait du Predator un personnage iconique de la pop culture. Voilà, merci pour tes émissions, salut. À l'occasion de la diffusion de la quatrième saison de Stranger Things, des millions de spectateurs ont pu découvrir l'immense talent de Kate Bush via sa chanson Running Up That Hill. Voilà une bonne chose, pourrait-on se dire, si on était du genre à se réjouir du bonheur des gens. Un peu comme ces spectateurs qui ont redécouvert Bohemian Rhapsody en voyant pour la première fois Wayne's World, ou même ces enfants qui se sont familiarisés avec I'm Still Standing d'Elton John en voyant tous en scène. Au fond, peu importe le moment, on devrait être heureux de voir ces artistes avoir une seconde ou troisième vie auprès d'un nouveau public. Mais ça, c'était sans compter les gardiens du temple. Ces talibans de la pop culture qui ont inlassablement besoin de rappeler au monde qu'ils étaient là en premier, bien avant que tel ou tel phénomène ne devienne hype. Tu sais pas pourquoi, ça ne leur change pas le prix de la baguette, ou ça ne les rend pas immédiatement séduisants, mais ils ont besoin de te faire savoir qu'ils étaient là les premiers à aimer. Si on suit cette logique, on devrait bien se garder de plébisciter le talent d'écrivain de Victor Hugo si on n'a pas petit déjeuner avec lui. Les Beatles, je ne me prononce pas sur leur album, je n'étais pas né. Il n'y a pas de date de péremption dans la découverte de l'art. Il n'y a pas 10 films ou 10 chansons qu'il faut avoir vues ou entendues. D'ailleurs, il ne faut rien du tout. Pour qui? Pourquoi? Il n'y a que des œuvres qui attendent patiemment d'être découvertes selon le principe de sérendipité. On trouve souvent, chemin faisant, des choses profondément utiles alors qu'on ne savait même pas qu'on les cherchait. Et dans l'art, c'est ça qui est beau. Avec sa voix si particulière et son style musical qui n'a eu de cesse de se réinventer, Kate Bush s'est imposée comme une artiste majeure qui n'a jamais fait de compromis avec sa vision d'artiste. À l'âge de 63 ans, elle est revenue en tête des classements musicaux grâce à sa participation à la bande originale de Stranger Things. Ce qui nous donne l'occasion de revenir sur la carrière de cette immense chanteuse. Et pour ce faire, je suis entouré de Sophie Rosemont. Bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes journaliste culture, enseignante et entre autres, vous êtes l'autrice de Girls Rock aux éditions Nil, où il est question de Kate Bush. Évidemment, Girls Rock. avec nous. Surprise, Lloyd Chéri, qu'on n'attendait pas sur ce sujet. Surprise, surprise. Bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes journaliste culture pour Le Point et créateur du podcast C'est plus que de la SF et également un grand fan de Kate Bush. C'est ça, bah Kate Bush c'est plus que de la fantasy presque. Avec nous, et on est ravis de l'accueillir pour la première fois, Judith Beauvallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes youtubeuse avec votre chaîne Demoiselles d'Horreur, mais également fan de Kate Bush et vous vous retrouvez particulièrement dans ses liens avec le gothique ou le romantisme noir. Absolument, parce que c'est une artiste, je pense, qui a les mêmes inspirations que ce que j'aime le plus en termes de cinéma d'horreur, donc on s'y retrouve. Les présentations sont faites, un peu moins d'une heure de Kate Bush, ça ne peut pas faire de mal. Tiré de son premier album Kick Inside, sorti en 1978, et d'ailleurs durant toute cette émission il est possible que je fasse énormément de mal à l'anglais, voilà, je suis désolé, voilà, je fais de mon mieux. Sophie Rosemont, une chanson sur laquelle vous avez énormément de choses à dire, m'a-t-on dit. Il y a toujours beaucoup de choses à dire sur cette chanson, mais c'est vrai que c'est son premier grand tube, un tube qu'elle a imposé, étant donné que le label ne voulait absolument pas qu'il sorte en single. Donc le label c'était EMI, le label d'entre autres Pink Floyd, sur lequel elle a été signée grâce à David Gilmour, hein, qui fait partie de ceux qui ont découvert, ébahi le talent de Kate Bush. Oui, une mais fois sans plus, rien Pink faire Floyd. Pour elle. Ça, je tiens vraiment à le dire, c'est-à-dire que Kate Bush, c'est vraiment une des premières artistes complètement accomplies par elle-même, qui n'a jamais eu besoin de qui que ce soit pour tenir la note, un instrument qui est vraiment autrice, compositrice, multi-instrumentiste. Et bref, cette chanson, dont on connaît effectivement la teneur littéraire, hein, par rapport à Emily Brontë, qui est née le même jour qu'elle, d'ailleurs, que Kate Bush, le 30 juillet, et qui arrive quand même dans un contexte musical à l'opposé de ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire qu'on est sur la fin du punk, sur le début de la new wave, on va dire vraiment les prémices. Rien ne peut, rien de ce qui ressemble à cette chanson peut fonctionner, et pourtant c'est un raz-de-marée incroyable. Puis ensuite il y a aussi l'image, quoi, que je trouve vraiment géniale. Elle avait pris des cours de mime avec notamment Lindsay Kemp, qui était vraiment un super chorégraphe, qui a travaillé notamment avec Bowie. Avec Bowie. Et donc voilà, elle crée sa chorégraphie. Théâtre Kabuki, quelque chose. Exactement, et qui était aussi inspiré par l'expressionnisme allemand, comme Marie Wegmann, qui a impressionné Pina Bausch, etc. Donc même du point de vue de la danse, on parle souvent de Kate Bush sur la musique, mais du point de vue de la danse, son apport est assez incroyable dans la musique pop, hein. C'est pour ça qu'elle a influencé tout le monde. Et donc, il y a deux clips pour Wuthering Heights, donc, dont un avec cette robe rouge, où elle fait cette chorégraphie vraiment, c'est du Lindsay Kemp parfait, parfaitement exécuté, et qui est reprise tous les ans, d'ailleurs, à certaines dates en Angleterre. Il y a vraiment tout un folklore, évidemment, autour. Et puis un autre, où elle est en juste au corps, qu'on connaît un peu plus. Et cette manière d'incarner sa musique, ça vient dès cette chanson, où quand même elle était toute petite. On oublie souvent que lorsqu'elle a écrit, elle avait 16 ans, et quand le single sort, elle est à peine majeure. Bon, elle écrivait des chansons depuis ses 12 ans, mais elle est vraiment, c'est une post-ado, Kate Bush. C'est vraiment une post-ado, et pourtant, c'est une des plus belles chansons du monde. Je crois qu'on peut le dire sans exagérer une seule seconde. Moi, c'est une chanson dont je ne me lasse pas, qui est vraiment à la croisée de ce qu'on peut proposer en folk, en pop, même en baroque, avec un CK à la fin. C'est vraiment un monument de la pop culture in extenso. Judith Beauvallet, comment s'est déroulée votre rencontre avec Kate Bush? Alors justement, elle s'est faite avec cette chanson. En fait, j'avais sur ma table de nuit donc le roman Léo de Hurlevent, que ma mère, grande fan de romantisme noir, me conseillait ardemment. Et je m'étais dit, bon, pour plus tard, en ce moment, je suis en train de lire Daphné du Maurier, plutôt. Puis un jour, à la télé, sur des chaînes de clips, je tombe donc sur ce clip et je me dis... puis j'ai une sorte de coup de foudre, tout d'un coup, pour ces quelques notes, mais un peu le genre dont on n'assimile pas la teneur tout de suite, tellement c'est un peu énorme. Puis je me dis, mais ces noms, Heathcliff et Cathy, il me semble les avoir vus sur une quatrième de couverture. Je me dis, mais oui, c'est le roman que j'ai là-haut. Et là, je me suis dit, ok, si ce roman a donné cette chanson, il faut que je le lise. Il faut que je le lise maintenant. J'ai lu le roman qui a été un bouleversement total pour moi, qui est depuis mon roman préféré. Puis en plus, quand on lit ça, quand on est ado, hein, c'est quelque chose. Et en fait, bah, du coup, ma découverte de la chanson et ensuite du reste de la carrière de Kate Bush s'est fait de la même manière, dans cette espèce de grand élan romantique qui m'a animée ensuite pour la fin de mon adolescence. Donc voilà, ça a été très fort pour moi. Et en fait, ce que je trouve très fort, c'est la manière dont Kate Bush réussit à résumer l'essence du roman dans cette chanson, qui est effectivement une chanson pop, rock, etc., mais qui raconte quand même, qui se fixe sur un tout petit extrait du roman, une seule image, l'idée que le fantôme de Cathy passe sa main à travers la fenêtre pour essayer d'attirer Heathcliff à l'extérieur. Et en fait, on le sent. Enfin, c'est vraiment une chanson. Est-ce que vous pouvez résumer un petit peu l'histoire pour les auditeurs? Parce que, bien sûr. Je sais qu'on a énormément d'auditeurs très cultivés. Très, très cultivés. Pas autant que sur France Culture, mais quand même beaucoup. mais il faut peut-être leur résumer. Oui. Alors en fait, l'histoire, c'est donc une histoire d'amour entre Heathcliff et Cathy qui vivent dans la lande anglaise et qui sont deux personnages qui sont très cruel mais qui s'aime d'un amour fou, mais un amour qui sera constamment contrarié. Et en fait, Cathy finit par mourir en couche très jeune, et Heathcliff sera hanté très longuement par son souvenir jusqu'à ce que finalement le fantôme de Cathy le rattrape et qu'ils s'unissent plus ou moins dans la mort, on va dire. Mais donc voilà, ça raconte une scène du roman où le narrateur au départ rencontre Heathcliff bien bien après la mort de Cathy, parce qu'ensuite ça fonctionne en flashback, et à un moment donné, dans l'embrasure d'une porte, il surprend donc le personnage de Heathcliff en train de parler à cette espèce de présence à la fenêtre. Et, et effectivement, on sait qu'il y a la main de Cathy qui est froide, qui se referme sur la main du narrateur, quelque chose comme ça. Et donc en fait, c'est une image qui fait très très peur dans le roman, qui est très puissante et qui est vraiment un archétype de scène gothique et de romantisme noir. Et Kate Bush en fait cette chanson magnifiquement pop et ramène en fait ces personnages qui sont par ailleurs très méchants, très cruels, mais à toute la beauté en fait que leur confère l'intensité de leur amour. Et je trouve ça magique, et c'est vraiment ce que ça exprime mélodiquement parlant, et dans sa poésie, dans la poésie du texte aussi. Je trouve ça formidable. Lloyd Cherry, là il y a deux intervenantes qui viennent vraiment de m'emmener ailleurs. Donc à vous la lourde tâche de continuer à me faire rêver en m'expliquant votre rencontre avec Kate Bush. Moi j'ai rencontré ça grâce à mon papa Bruno, qui est un grand fan de Kate Bush. Et alors moi, mes deux albums phares de Kate Bush, c'est Never Forever et Hounds of Love, donc le troisième album et le cinquième album, puisque j'ai lu l'intégralité de la saga de l'Assassin Royal de Robin Hood, donc une énorme saga de 13 romans. Ça va. Et j'ai lu ça avec ces deux albums en boucle. Donc pour moi, la lecture de l'Assassin Royal de Robin Hood et puis après des Aventuriers de la Mer est forcément reliée avec ces deux albums de Kate Bush. Et je me rappelle très bien de la sortie d'Ariols, qui est un album qui est sorti sans publicité à l'époque. Et ça avait été un événement, en tout cas un événement à la maison. Et c'est super parce que dans Blockbuster, on partage la pop culture de génération en génération. Et moi, c'était vraiment le cas avec Kate Bush de père en fils. Mais alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Lloyd, et aussi dans ce que dit Judith Beauvallet, c'est que souvent j'entends des parents s'inquiéter quand leurs enfants écoutent soit que de la musique mais ne lit pas, ou regardent des dessins animés mais ne dessinent pas ou ne pratiquent pas de la musique. C'est de voir qu'en fait, littérature, musique, tout peut s'entremêler et on ne sait absolument pas ce qui va finalement être un pont vers autre chose. Donc vraiment, aux parents qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas si vos enfants sont pour l'instant occupés sur une discipline, vous ne savez absolument pas où ça va les conduire. Alors, Sophie Rosemont, on a dit qu'elle était très très jeune, mais quel était son environnement familial à Kate Bush? C'est intéressant parce que j'allais rebondir en disant à quel point la littérature effectivement peut mener à la musique. Et d'ailleurs, moi j'ai commencé par la littérature et je suis née au moment où cette chanson venait de sortir à la radio, parce que je suis un petit peu plus âgée que d'autres ici. Beaucoup plus que vous d'ailleurs. Non, dites pas ça. Je pourrais être votre mère. Et que la littérature est liée aussi avec le travail de Kate Bush, puisque Kate Bush adore la littérature. De toute façon, c'est oui, la littérature victorienne, tout à fait, entre autres. Mais bon, elle adore aussi James Joyce, voilà ce genre d'auteur britannique extrêmement important. Et votre question. Alors, excusez-moi, j'ai digressé déjà. Non, mais on va la reprendre. Pour l'instant, évidemment, on parle de Kate Bush. Donc, l'environnement familial. Voilà. Bah, hyper propice. Alors, hyper propice. Non, c'est vrai, Kate Bush a eu la chance de grandir dans la campagne, dans ce genre de demeure jadis décrite par les sœurs Brontë. Hein, voilà. Des parents très, très sensibles à l'art. Depuis toujours, et qui avait des amis artistes, et c'est un de ses amis artistes qui a filé la casquette Stranger Things. C'est Netflix, cassette. Ils avaient fait du placement de produits il y a longtemps. Hein. La fameuse cassette des premières démos de la jeune Cathy, parce que c'est son petit surnom. À Kate Bush, c'est Cathy. Donc c'est vraiment d'elle dont elle parle. Ça aussi, c'est très important, le côté aussi auto-fictionnel. Elle était vraiment, elle s'imprégnait vraiment des personnages qu'elle lisait. Et donc les parents vraiment l'encouragent. Et ce type d'environnement, donc à la fois naturel, à la fois littérature, chez eux, on rigole pas avec les instruments, on rigole pas avec les arts plastiques. C'est aussi une grande férue de photographie, notamment pré-raphaélite, celle de Julia Margaret Cameron ou de Lewis Carroll notamment. Et donc tout est là. Pour qu'elle devienne artiste, sauf que tout le monde n'a pas forcément le talent. C'est-à-dire que les frères de Kate Bush font de la musique, mais ils n'arrivent pas à sa cheville. Donc très vite, ils comprennent qu'il faut quand même lui laisser de la place et que le garage qui sert aux entraînements de karaté, ça serait peut-être mieux que ça soit un studio d'enregistrement pour leur sœur un peu plus tard. On va continuer d'explorer sa vie, mais quand il a fallu choisir la première chanson parmi les tubes de Kate Bush, il ne m'a pas fallu longtemps pour choisir Cloud Busting, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Yeah. Cloud Busting tiré de Hounds of Love, sorti en 1985. It's in the trees. It's coming. Frédéric Sigrist. Hounds of Love, tiré de l'album éponyme sorti en 1985. Et j'en profite pour vous redonner un numéro, le 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20, le répondeur de Blockbuster pour nous parler de Kate Bush aujourd'hui. Et il y a également Twitter avec le hashtag Blockbuster Effie. Lloyd Cherry, pendant la chanson Cloud Busting, vous vouliez me parler du clip justement. Ouais, alors il y a un clip assez inoubliable où il y a Donald Sutherland qui joue le père de Kate Bush dans ce clip. Le clip a été conçu par Terry Gilliam. Ils ont travaillé après ensemble puisque Kate Bush a composé une musique pour le film Brazil, assez méconnue en fait, et qui est ressortie il y a pas très longtemps. Et donc Cloud Busting est en fait une chanson qui adapte un livre, celui de Peter Reich, A Book of Dreams, qui raconte l'histoire de son père Wilhelm Reich, qui était un psychanalyste et aussi un petit peu un savant fou, qui avait créé une machine qui s'appelle Cloud Buster. En lien briseur de nuages, et donc une machine à tuyaux qu'on pouvait mettre devant le ciel, et puis la pluie arrivait. Et du coup, Kate Bush a adapté cette histoire en chanson et a fait un clip assez iconique. Alors ce qui est rigolo, c'est que Donald Sutherland ne voulait pas participer au clip. C'est un immense acteur qui joue notamment dans MASH. Et donc Kate Bush est venue le voir à son hôtel, elle a trouvé son adresse, elle est venue voir à son hôtel directement pour lui proposer de jouer dedans. À ce moment-là, il était sur un tournage, je crois, Révolution, et donc il a accepté. Et c'est un des plus beaux clips de Kate Bush. Et il faut quand même noter que Kate Bush a souvent de très beaux clips. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est donc en 85 à ce moment-là, et déjà Kate Bush était, on en a parlé un peu, mais c'était déjà une superstar. On lui avait Kate Bush et le cinéma, c'est toujours un peu compliqué histoire, puisqu'on lui a proposé des musiques qu'elle a refusées, type Moonraker en 79 et un James Bond. Et quand elle a fait des musiques pour des films, soit c'est méconnu, pense à Brazil, La croisée des mondes, Lyra, qui est un très très beau titre, mais comme le film n'a pas marché, voilà. Mais en tout cas, sur les clips vidéo, Kate Bush, c'est la number one. Judith Beauvallet, on voit dans ce que vient de dire Lloyd Cherry qu'elle a aussi cet aspect opiniâtre, c'est-à-dire que quand elle veut faire quelque chose, et ça dès le départ, dès qu'elle est toute jeune en famille, elle va jusqu'au bout, et il y a vraiment très peu de chances qu'elle s'arrête, en fait. Il faut vraiment qu'elle s'est battue pour avoir les droits d'une chanson, et il lui a fallu des années avant de les obtenir, mais elle n'a jamais lâché l'affaire. Non, mais en fait, je pense que c'est ça qui finit par payer. C'est-à-dire que c'est quand même une gamine au départ. Son premier album, je crois qu'il est composé, peut-être que Sophie confirmera, mais essentiellement de chansons qu'elle a écrites très jeune adolescente, ce qui est quand même assez incroyable. Et en fait, je pense que quand on a ce talent aussi jeune, je pense que quelque part il nous porte. Je pense qu'on a forcément confiance en ce que ça peut donner, et ça doit donner une certaine confiance, une certaine légitimité. Et c'est pour ça, je pense que elle a fait des albums qui sont tous aussi aboutis, même s'ils ne sont pas extrêmement nombreux, et que plus tard sur sa carrière, elle s'est aussi permis de faire des choses plus expérimentales, de vraiment explorer son talent de musicienne à fond, même quitte à faire des choses moins accessibles, moins grand public. Et en fait, c'est ce qui en fait une carrière aussi étonnante et surtout aussi durable, je pense. Sophie Rosemont, on sait que Kate Bush a connu le succès très jeune, elle est entrée dans le Guinness, dans le livre des records, comme la première artiste compositrice et interprète féminine anglaise. Sa famille veillait au grain, elle chantait, elle dansait avec des chorégraphies, travaillait très spécifiquement, elle travaillait ses clips. En fait, on est en face d'une sorte de prototype de pop star moderne, mais avec son style très à elle. Mais elle a inventé énormément de choses avec son style. Bah, c'est pour ça que ce soit Madonna, Beyoncé, Adele, beaucoup de pop stars, et puis aussi des rock stars, hein, PJ Harvey, Tori Amos, Fiona Apple, beaucoup d'artistes se réclament, et Björk bien sûr, dont on parlait tout à l'heure, beaucoup d'artistes se réclament de Kate Bush, et c'est normal, car elle a vraiment façonné un univers vraiment pluridisciplinaire. Après, il y a aussi le fait qu'elle ait fait très jeune, très tôt, à une époque où les femmes sortaient un peu du bois, justement, comme je disais tout à l'heure, seules, sans avoir besoin forcément de mentors, même si elle a eu affaire à des rumeurs. C'est-à-dire, c'était David Gilmour qui lui avait composé ses premiers morceaux, soi-disant. Quand elle a fait son studio, on lui a dit si Peter Gabriel qui s'en est occupé. Non, il lui avait juste dit, ça serait peut-être bien que tu le fasses, t'en as déjà un, fais-en un mieux. Donc, elle a jamais eu besoin de personne. Comme Véronique Sanson, qui d'ailleurs aime beaucoup aussi Kate Bush. Mais oui, c'est vraiment un modèle de pop star aussi dans, il faut quand même bien le dire, le business. C'est-à-dire qu'elle a tout tenu vraiment d'un bras de fer. Et notamment, ses tournées. Ce qui est assez drôle, c'est que sa première tournée en 79, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que là, on est vraiment... Le micro est dans tous les sens. Elle fait des chorégraphies assez folles. Les décors sont magnifiques. Les costumes, on n'en parle pas. C'est elle qui avait initié le micro-casque. Le micro-casque, exactement. En 79. Donc, je vous laisse imaginer quand même le budget. Et donc, après une tournée épuisante, et puis dont elle sort vraiment complètement ruinée, parce qu'à l'époque, on est d'accord, elle a 20 ans, quoi. Oui. Elle renonce aux tournées. Et ce qui est encore fou, c'est que, encore aujourd'hui, j'ai entendu, hein, quand même des confrères me dire, il n'y a pas si longtemps, oui, elle a arrêté la tournée parce qu'elle a eu un enfant. Alors déjà, l'enfant, elle l'a eu 20 ans plus tard, donc ça n'avait aucun rapport. Et en plus, je crois qu'elle l'a caché pendant très longtemps. Voilà, elle voulait donc, pas, parce qu'elle a un rapport très particulier aussi à la médiatisation. Oui, exactement. Donc ça n'avait aucun rapport. Elle a juste arrêté parce qu'elle ne pouvait pas avoir les moyens financiers d'aller jusqu'au bout de ses ambitions artistiques. Et si elle n'avait pas les moyens, elle ne le faisait pas. Donc, ce que plus tard, une Madonna a fait, hein, clairement, ces tours qui étaient extrêmement chiadées. Et donc, quand elle est revenue, c'était en 2014, persuadée d'avoir ce qu'il fallait en termes de moyens, en termes de salles, que tout était confortable pour vraiment proposer une œuvre protéiforme, en fait, et totale, une œuvre complète. Et ça, c'est que les plus grandes pop stars qui sont capables de le faire, avec la démesure qui vont avec. Parce que Kate Bush, il y avait aussi une démesure qui était folle, et qui passait par l'expressivité corporelle, les paroles extrêmement travaillées, et c'est ça, je crois, qui a fait d'elle une icône maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche. Il suffit d'une apparition dans Stranger Things, c'est pas étonnant que des gamins de 15 ans écoutent ça et se disent « Ah oui, quand même, il y a quelque chose !» Parce que même une Billie Eilish... Évidemment qu'elle s'inspire de Kate Bush, bien entendu. Et le fait qu'elle travaille comme ça la composition de ses clips, de sa musique, qu'elle utilise des sonorités aussi très singulières pour l'époque, est-ce que ça a créé une forme de public plus spécifique ? Est-ce qu'il y avait vraiment un public de Kate Bush, je dirais presque un peu élitiste, ou est-ce que c'était déjà quelque chose de très large ? Il y avait les deux. Et c'est ça qui est absolument formidable, c'est-à-dire qu'on peut trouver des thèses justement sur Madonna à la Sorbonne, et en même temps, voilà, c'est une musique très populaire, c'est exactement la même chose sur Kate Bush, sauf qu'effectivement, elle a fait 10 albums, ce qui est assez peu quand on voit l'étendue de sa carrière. Chaque album a été extrêmement réfléchi, il y a toujours un concept, voire plusieurs concepts au sein d'un seul et même disque, donc évidemment qu'il y a des albums qui ont été plus accessibles que d'autres. En fait, c'est une icône populaire, mais qui a une exigence quasiment, en tout cas au moins obsessionnelle. Et ça passe ou ça casse. Ensuite, il y a aussi sa voix. C'est quand même un soprano qui est très particulier, très coloré, qu'elle a modulé au fil des années, mais qui, au début, a vraiment chatouillé les oreilles de certains. Voilà, on trouve ça sublime ou on déteste. Donc, il y avait aussi quelque chose, et c'est ce en quoi, d'ailleurs, c'est une pop star aujourd'hui. Ça sortirait aujourd'hui, ça marcherait tout autant. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi ce côté, quelque part, clivant. Elle voulait vraiment faire plaisir à personne, et ça se voit dans sa musique, dans ses prestations, ses performances, même à la télé. Elle arrivait, alors là, elle embêtait le caméraman, la régie. Tout était vraiment extrêmement contrôlé. Le control freak en pop, dans la pop, je pense que c'est elle, hein, vraiment qui l'a inventé. Mais toute seule, sans manager, sans parents derrière. Parce que par contre, il y avait qu'elle qui décidait. Alors, Kate Bush est aussi une longue amitié, on l'a dit, avec Peter Gabriel, et une amitié qui s'est cristallisée sous la forme d'un tube que tous les auditeurs ont déjà reconnu, parce qu'on entend là derrière, Don't Give Up, tiré de l'album So, sorti en 1986. In this proud land we grew up strong. Kate Bush et Peter Gabriel, Don't Give Up. C'est la première chanson que j'ai écrite quand on a déménagé. C'était une expression de liberté que je n'avais pas ressentie avant. Ça parle d'amour et du pouvoir de l'amour et de la frustration de ne pas se comprendre au sein d'une relation. Blockbuster. Frédéric Sigrist sur France Inter. Running Up That Hill, tiré de l'album Hounds of Love, une chanson que vous avez peut-être entendue dans cette petite série confidentielle qui s'appelle Stranger Things. Et comme je l'ai dit en introduction, Kate Bush est de nouveau dans la lumière des projecteurs, a été découverte par un tout nouveau public. Et ça, voyez-vous, il y a des gens, ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Nous sommes en 2022, Internet existe, donc j'ai récupéré quelques réactions à la découverte de Kate Bush par le grand public. Voilà, Hugo notamment qui nous dit « Très content qu'une génération découvre Kate Bush grâce à Stranger Things. Personnellement, j'ai découvert Kate Bush grâce à mon immense curiosité et ma soif de culture, mais chacun fait avec ses armes. » Nat qui dit « C'est beau, tous ces gens qui découvrent Kate Bush grâce à Stranger Things, on croise les doigts pour Jeanne Mas dans les prochains épisodes. » Sad but pretty qui dit « Surprise de voir que les gens découvrent Kate Bush, j'étais donc la seule à connaître Babushka. » You can call me Lil qui dit « Ça me bute tous les gens qui découvrent Kate Bush par la dernière saison de Stranger Things. » Et Nissa qui dit « Et les gamins qui découvrent Kate Bush en 2022, hors de ma route !» Voilà, l'œil de chérie. Que dire de ces réactions mesurées et surtout de cette joie partagée à faire découvrir un artiste au plus grand nombre? Bah, c'est comme d'habitude, hein, malheureusement. C'est le problème de la pop culture, et vous l'avez très bien dit en introduction, Fred, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on aime nous appartient, alors qu'en fait, Kate Bush, elle appartient à tout le monde et à personne. Et je pense que les jeunes, ils ont beaucoup de chance de découvrir et de pouvoir découvrir Kate Bush. J'aimerais bien être à leur place. Et c'est la magie des séries TV actuelles. Ce qui est rigolo, c'est que Kate Bush est en train d'être redécouverte, mais ça avait commencé avant Stranger Things. Il y a eu La Servante Écarlate, oui, qui a utilisé deux chansons, This Woman Works dans la saison 2 et Claude Busting dans la saison 3. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que aussi Kate Bush est redécouverte progressivement par les réalisateurs, par aussi les scénaristes. Et moi, je trouve ça génial. Alors, je suis très surpris, le réalisateur de Thor aussi a fait une petite remarque désobligeante sur ça. Et je comprends pas Taika Waititi? Ouais. Oui, mais en ce moment, il est un peu en vrille. Qu'est-ce qu'il a dit? J'aimerais bien qu'on éclaire ma lanterne. En fait, il l'avait projeté. Excusez-moi, il avait projeté de tourner une scène sur une chanson de Kate Bush où le personnage de Christine Bale devait danser sur du Kate Bush. Et en fait, ils ont abandonné cette idée parce que je suppose que ça rentrait pas dans le moule. Et du coup, depuis, il a dit, bah, de toute manière, heureusement qu'on l'a pas fait parce qu'en gros, la chanson a déjà été ruinée par Stranger Things. Quelque chose comme ça. En gros. Hein. Alors que la séquence de Stranger Things, même si la musique est un poil sous-utilisé comparé à ce qu'est ce titre, la séquence est exceptionnelle. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une vraie séquence. Elle est constitutive d'un des personnages. C'est-à-dire que c'est vraiment un totem qui sauve littéralement un personnage tout du long. Donc, c'est pas un gadget. C'est pas comme beaucoup de films qui surfent sur la nostalgie des années 80 et qui truffe toute sa bande son par des... D'ailleurs, les deux frangins qui réalisent Stranger Things ont demandé l'autorisation à Kate Bush. Ils l'ont contacté, ils lui ont demandé... Et ils lui ont fait lire les scripts. Voilà, ils lui ont fait lire le script. Il y a eu des allers-retours et Kate Bush a donné son accord parce qu'elle adore la série. C'est ce qu'elle a confié après dans une interview. Donc c'est aussi, ça a été bien fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même les créatifs qui viennent voir l'artiste pour lui demander. Et c'est vrai que la séquence, elle est incroyable. Qu'on parle aux gens qui ont vu Stranger Things, la saison 4, ils parlent tous de cette séquence. Et surtout, ça lui a permis de faire une nouvelle entrée au numéro 1 des hits parades. C'est un mot un peu désuet, mais qui fait que voilà, c'est toujours un heureux cadeau. Quand plusieurs années après, un titre ressort et on est de nouveau comme ça, numéro 1. Ouais, et puis elle a quand même deux surnoms, on en a pas parlé, mais elle a quand même deux surnoms assez prestigieux. Kate Bush, il y a la sorcière du son, qui a un super surnom, je pense que ce qui est né avec Never Forever. Et puis il y a aussi, alors ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais la Kubrick de la musique. Ça aussi, c'est un autre surnom. Alors on la compare à Kubrick, qui est le considéré comme le plus grand cinéaste, mais qui était aussi très très exigeant vis-à-vis de ses acteurs et de ses actrices et vis-à-vis de ses films. Mais quand même, Kate Bush, l'aura de Kate Bush, la Kate Bush mania, revient. Et ça, c'est un truc qui revient cycliquement. Il y avait eu ça quand les concerts, quand elle avait fait sa série de concerts. La Kate Bush mania était revenue en Angleterre. Et là, la Kate Bush mania, elle est mondiale grâce à Netflix. Judith Beauvallet, quel effet ça vous a fait tout d'un coup de voir cette petite perle qui était quand même constitutive aussi de votre univers briller comme ça de mille feux et être récupérée par plein de gens? Alors, j'ai beau encore ne pas être très âgée, j'ai vraiment des réflexes de vieil imbécile parfois, pour être poli, et où vraiment mon premier réflexe a été à la fois genre « Ah chouette, je vais entendre du Kate Bush » et en même temps genre « Ah ça y est, maintenant à chaque fois que je vais dire que je suis fan, on va me dire « Ah, Stranger Things, c'est ça ?» Et j'ai senti que ça allait m'énerver. Mais ça, bon, c'est vraiment mes réflexes d'ego un petit peu stupide. Je trouve ça effectivement vachement chouette que des jeunes la redécouvrent aujourd'hui, parce que il ne fait aucun doute que si j'avais eu 12 ans aujourd'hui, en 2022, j'aurais découvert Kate Bush via Stranger Things et j'aurais adoré, je serais devenue de nouveau la fan que je suis aujourd'hui. Donc tant mieux, c'est pas parce que voilà les jeunes la découvrent à travers une série qui, moi, je trouve personnellement, n'est pas tout à fait à la hauteur, après leur amour pour Kate Bush va être moins noble que celui que les personnes plus âgées peuvent avoir. Et le petit détail qui m'a fait plaisir, c'est que Kate Bush, ça a toujours été mon rôle modèle de la musique, mais Winona Ryder a toujours été mon rôle modèle du cinéma. Et c'est un peu mes deux idoles qui se rencontrer à l'avant-première de la série. Winona Ryder est venue avec un badge Kate Bush et j'ai appris qu'elle était fan, et là ça a été un petit peu, ça m'a fait beaucoup de bien. Sat in Your Lap, tiré de l'album The Dreaming, sorti en 80, qui est un album plus personnel et plus expérimental. Sophie Rosemont, qu'est-ce qu'on peut dire de cet album? Parce qu'en fait, elle n'a pas arrêté de prendre des virages. C'est-à-dire que si on suit le style de Kate Bush, on a le mal de mer, parce qu'elle va partout. Bah oui, The Dreaming, ça a un petit peu choqué tout le monde, parce qu'elle s'est repliée dans la coquille dans laquelle elle était déjà, en fait. Mais elle a mis de côté une certaine flamboyance, je dis bien une certaine flamboyance, hein, parce que la grandiloquence est là, et elle a commencé à triturer les sons, à manipuler les couches, hein, il y a parfois jusqu'à 5 couches vocales, hein, quand même, dans les productions de Kate Bush. Et oui, The Dreaming a fait un petit choc thermique on va dire un grand public qui était vraiment tombé amoureux de cette chanson sur Radcliffe et Katie. Mais après, elle est revenue grâce à Babushka, c'est-à-dire qu'elle a su quand même de temps en temps délivrer des énormes tubes, mais The Dreaming a été peut-être un moment un peu plus délicat dans sa carrière, où le public ne s'attendait pas du tout à ça. En fait, ils pensaient qu'ils avaient une super chanteuse pop hyper romantique qui faisait revivre tout cet univers, voilà, des paysages escarpés et désespérés débrantés. Et au final, il se retrouve avec une sorcière du son, voilà, comme on le disait tout à l'heure, et effectivement vachement, énormément impliqué au point de déstabiliser. C'est ça aussi le problème, c'est-à-dire que dans ce qu'elle livre, c'est parfait, et les mélomanes pointent que ravis, qu'ils aiment ou pas. Et parfois, quand on veut juste écouter de la musique pour se détendre, Kate Bush n'est pas forcément recommandée. Oui. Et The Dreaming, si en plus on écoute les paroles, qui sont étonnamment sombres pour une jeune femme, voilà, elle est encore très très très jeune. Oui, là, il y a eu de quoi un peu décoiffer. Mais finalement, tous ces albums sont en clair-obscur. Il y a une dualité aussi chez Kate Bush que je trouve toujours très intéressante. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un morceau qui nous rattrapera, un morceau un peu plus aride. D'un côté, quelque chose d'assez baroque, et de l'autre aussi parfois du minimalisme, qui se retrouve dans chacun de ses disques et qu'elle décline selon les époques, selon ses inspirations littéraires, artistiques et également musicales. Et c'est ce qui fait la richesse d'un corpus qui ressemble quand même à nul autre. Sans compter le temps aussi qu'elle prend. C'est-à-dire que là où, en revanche, ce n'est pas une pop star, c'est que, ou alors en tout cas, c'est une immense pop star, parce qu'il n'y a que les immenses pop stars qui peuvent se permettre ça, elle a toujours pris son temps entre chaque disque. Qu'elle n'a jamais enquillé un disque tous les deux ans. Ouh là là, surtout pas. Donc elle prend du temps, elle se retire dans la forêt. Mais ça lui a valu aussi des problèmes. C'est-à-dire qu'avant qu'elle revienne un petit peu à la mode, début des années 2010, dans les tabloïds anglais, on disait que devient Kate Bush. C'est la vieille sorcière toute ratatinée au fin fond des forêts. Elle est sans doute folle. Et elle a dû prendre la parole en disant, bah, en fait non, je suis pas folle. On parle de moi comme une petite vieille vulnérable et dingue, mais pas du tout. C'est juste, laissez-moi tranquille faire la musique dans ma maison, dans les bois. Et c'est vrai qu'au niveau de la composition musicale, elle s'est livrée à plein d'expérimentations. Je sais que pour avoir une sonorité un peu plus aquatique, elle a demandé à être enregistrée dans une piscine. Dans les piscines du label, ouais. Il y a d'autres moments où elle boit de l'alcool tout en chantant pour être dans un état d'esprit plus... Bon, c'est une Anglaise, hein. C'est une Anglaise, oui. C'est une Anglaise, on est aussi, sur les terres des Clash. Elle a utilisé un échantillonneur numérique, une des premières, en fait, un échantillonneur numérique pour Never Forever, et c'est ce qui a permis d'entendre les fameux vers dans Babouchka. Oui. Voilà, donc elle a beaucoup travaillé sur le son, elle a été pionnière sur pas mal de choses, en fait, Kate Bush, et c'est important de le rappeler, c'est une pionnière, et c'est une immense artiste qui arrive à se renouveler. Et c'est pas évident dans une carrière pendant 30 ans de se renouveler. L'enregistrement des baleines aussi sur le premier album, oui. Qui est hyper important et qui a influencé bien du monde. Mais effectivement, la reine des machines, la reine des machines, eux aussi des instruments. C'est là où l'organique et le synthétique se sont vraiment réunis. Et puis elle n'hésitait pas à changer de musicien en fonction du morceau. Ça, c'était la première aussi à faire ça. C'est-à-dire que s'il y avait des musiciens qui lui plaisaient pas, en fait, elle tournait, quoi. Elle avait vraiment, c'était les bons musiciens pour le bon morceau. Ouais, et c'était son personnage. Elle faisait tourner tout le monde en bourrique, pendant des années. Et c'est aussi pour ça qu'elle avait cette réputation. Mais en fait, c'était juste pour servir sa musique, même pas forcément elle. Mais effectivement, quand on parle de personnel maintenant, ça paraît évident. Surtout, quand on voit le succès du rap, on est vraiment sur des, il peut y avoir 10 personnes sur un seul morceau. Kate Bush aussi. Et, quand il y a 10 morceaux par album, effectivement, ça prend du temps et ça demande aussi un certain investissement et pas que personnel, aussi financier. Et la question que je me suis posée, c'est son rapport au marché américain, parce que on sait que ça a été une immense star en Angleterre, en Europe aussi, mais le marché américain, quand on voit le style de Kate Bush, quand on voit la manière dont elle s'est mise en scène dans ses chorégraphies qui ne correspondent pas à ceux de la pop américaine, qu'on la voit avec un minotaure derrière, avec justement ce côté un peu presque païen pour un public comme les États-Unis. Quel a été l'album qui l'a fait être adoubé par le public américain? J'ai l'impression que ça correspond à peu près à Babouchka. Oui, c'est Babouchka qui a vraiment franchi les frontières. Tout le monde avait quand même un peu entendu parler du premier album, de cette petite Anglaise qui... Mais Babouchka, ça a été vraiment un tube mondial. Vraiment. Et puis l'histoire... De ce jeu dans un couple, ses lettres. Babouchka, ça a une résonance russe, donc ça aurait pu ne pas du tout marcher aux États-Unis, même si c'était bien après la guerre froide. Mais il y a aussi effectivement le clip, et une fois encore la danse, où c'est devenu une femme. C'est plus une post-ado pour Babouchka. C'est une femme qui assume énormément ses courbes, ce qu'elle est. Il y a quelque chose aussi de très séducteur. D'ailleurs, là, j'en sens, parle de séduction. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a trouvé son public, notamment aux États-Unis. Mais après, il est très dur pour les artistes anglais de percer aux États-Unis. C'est une légende qui est réelle, en fait. Rares sont ceux qui ont pu vraiment tourner à guichet fermé et vendre des caisses et des caisses aux États-Unis. Mais Kate Bush et quand même fait partie de ces icônes cultes qui a été reprise par contre par énormément d'artistes américains et américaines. Merci beaucoup Sophie Rosemont, merci beaucoup Lloyd Cherry, merci beaucoup Judith Boalé d'avoir évoqué Kate Bush sur cette antenne. Je tiens aussi à remercier à la technique aujourd'hui Benjamin Troncin et Vincent Godard au mixage. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez me laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler directement avec Twitter sur le hashtag BlockbusterFI. You have to believe in yourself. You can't just accept what other people say all the time, otherwise you become them and not yourself. Avant de se quitter, parce qu'on ne peut pas se quitter comme ça, on change un peu de registre pour la prochaine chanson, et quoique, on écoute Pomme avec Nelly. Tes yeux pourraient me voir dans tout ce que j'ai de plus beau, et tu voudrais savoir si j'ai des marques dans le dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. Ooh. il y a toujours le regard qui finalement nous commande à être toujours très belle. Et quand on se voit en photo, on perd le contrôle de son image. Et c'est comme, j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de monde de Big Brother. C'était Pomme qui nous interprétait Nelly. Et on remercie du fond du cœur Valentine Chedebois pour sa longue patience avec moi quand je dois choisir cette programmation musicale. Merci Valentine, merci de ta patience. Demain, il est rond, il est rose et il avale absolument tout ce qu'il veut. Gérard Depardieu, non ! Gérard Larcher, non ! Non, non, non, rien de tout ça. Demain, c'est le cultissime Kirby. Jack Kirby, le créateur des 4 Fantastiques ? Non ! Kirby, la mascotte des jeux vidéo de Nintendo. France Inter.